de bac à sable et rien ne pouvait nous séparer. Notre amitié était devenue un cassable et encore maintenant c'est pareil. Mais je me suis aperçu que mes sentiments changeaient et qu'ils devenaient de plus en plus forts. J'ai attendu et je ne te l'ai jamais avoué, et cela m'a demandé beaucoup d'efforts. Cependant, à présent, mes regrets sont grandissants. Car pour ne pas gâcher notre belle amitié, j'ai préféré me taire, et cela à jamais. Au fond de moi, mais je ne te l'ai jamais dit. Et toi, sans savoir, il y a quelques mois, tu m'as présenté à ton ami. Tu ne t'imagines même pas à quel point je m'en voulais de ne pas te l'avoir dit avant. C'était le moment que j'avais tant redouté, car je sais qu'il est trop tard à présent. Tu me dis qu'il te réjouit, que c'est l'amour de ta vie. Mais au fond de moi, quand tu me dis ça, j'ai mal et je ne peux même pas t'expliquer pourquoi. J'ai mal de te voir dans ses bras, de faire comme si de rien. Je dois atteindre mon amour, mais ai-je vraiment le choix?